Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, c'est Steve Lévesque en compagnie de Karine Hudon pour Zone Mag. Ça va bien, Karine? Oui, et toi, Steve? Oui, merci. Encore une grosse semaine. Oui, ça va bien en frais de nouveautés depuis les dernières semaines. Oui, d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec le CD de Iron Man Heroes Fall, qui est les musiques inspirées du film, qui sort vendredi prochain, le 3 mai. Qui est très attendu. Malheureusement, pour ce CD-là, ben, je dis malheureusement, c'est que je vais expliquer le contexte, c'est que j'ai pas haï les chansons qui sont sur l'album. C'est pas des mauvaises chansons, sauf que les chansons me parlent pas. C'est comme un album, tu sais, qu'il n'y a pas de suite nécessairement dans une des chansons ou dans l'autre. Mais j'ai pas vu le film. Fait que probablement, un coup que je vais avoir vu le film, tu vas être en mesure d'apprécier plus la trame sonore. Ben, c'est ça. Puis je vais probablement vous en reparler la semaine prochaine aussi, justement parce que je vais avoir vu le film. Puis ça va être plus facile de pouvoir dire ah, ok, oui, ces chansons-là, c'est des chansons fortes dans le film à des moments clés. Fait que. Mais pour ce qui est du moment, en tout cas, vous pouvez l'acheter. Je vous dis pas de pas l'acheter. Mais personnellement, moi, j'attendrai d'avoir vu le film pour, à la première écoute, au moins avoir les scènes du film après, avec chaque chanson. Ça va déjà aider à avoir une meilleure première écoute, là, si on pourrait dire. T'avais-tu, c'était quoi les groupes qui faisaient partie? On a entre autres 303. Imagine Dragon, puis Andrew Stockdale, qui est le chanteur de Wolf Mother, okay. qui est quand même assez connu. Il y a d'autres gros noms aussi. C'est pas nécessairement un mauvais album. C'est pas des mauvaises chansons. Ils ont du beat, il y en a qui sont plus mollos. Fait qu'on peut s'imaginer un peu aussi dans. On a vu les bandes annonces du film aussi, donc on sait un peu aussi que c'est. Le titre le dit, c'est Heroes Falls. C'est justement la chute de héros. Donc, il y a des chansons qui sont un peu plus tristes, un peu plus calmes ou tragiques, c'est ça. Donc, ça nous laisse peut-être imaginer ce qui pourrait se passer dans le film avec la bande-annonce qu'on a vue. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est peut-être mieux d'attendre d'avoir vu le film pour risquer de pas être déçu à la première écoute. Non? OK. C'est peut-être à conseiller comme ça. On va vous faire écouter quelques extraits. Ça va vous donner une idée aussi un peu de quoi ça a l'air. With our backs to the wall, the darkness will fall. We never quite thought we could lose it all. Ready, aim, fire. Ready, aim, fire. An empire's falling just one day. You close your eyes and the glory fades. Ready, aim, fire. Ready, aim, fire away. Ready, aim, fire. Le groupe britannique Deep Purple revient après une absence de 8 ans depuis leur dernier album. Ils reviennent avec leur 19e album en carrière qui se nomme Now What. Cet album a été produit par Bob Erzin qui a travaillé avec des artistes tels que Alice Cooper, Kiss, Peter Gabriel, 30 Seconds to Mars, Deftones et Nine Inch Nails. Donc un producteur très réputé dans le domaine. Le groupe a gardé le même bon vieux son qu'à leur début. Donc les vrais fans, ils seront pas déçus parce qu'ils vont savoir... Ça va être du Deep Purple. Exactement. Ils vont savoir à quoi s'attendre. Pour ceux qui les connaissent un peu moins, ben tu peux faire des liens dans le même style musical que peut-être Led Zeppelin, White Snakes, Black Sabbath. Fin 80, là, ouais. Fin 70, début 80. Oui, beaucoup, avait... très mélodique aussi. Je connaissais pas beaucoup, mais j'étais très contente d'approfondir sur ce groupe-là. Fait que je vais vous mettre quelques extraits pour vous donner un avant-goût de l'album. Got confused, went on too long. Côté métal, il y a Tobias Sammet Avantasia qui sortait leur septième album qui est The Mystery of Time, qui pour moi était une première écoute. Je ne connaissais pas Avantasia, à mon grand regret, parce que je suis carrément tombé en amour avec ce groupe-là. C'est comme j'écris dans la critique sur mon site, là, sur Zone Technoculturelle. Les pianos, synthétiseurs, guitare basse et vocalise se chevauchent comme une course à Blue Bonnet. Pour donner une idée, là, c'est exactement ça. Moi, c'est la symbiose parfaite entre le métal puis la musique bon classique. Vieux là, le rock aussi. Hein? C'est du rock symphonique. C'est vraiment beaucoup d'ambiance. Puis Tobias Sammet, qui était le leader du groupe allemand Edgy, s'est entouré de personnes, pas, je dirais pas de confiance, mais compétentes, ouais, si on peut, si on peut dire comme ça, ouais, c'est ça. Dont, entre autres, des membres ou ex-membres de Kiss, Halloween, Gamma Ray, Alice Cooper et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup. Les amateurs d'ailleurs, je devrais dire que Avantasia vont être au Festival d'été de Québec. Si vous n'aviez pas de bonnes raisons d'y aller, ça, c'en est une très, très bonne. Avantasia, ça va être à surveiller au Festival d'été de Québec. J'ai l'impression qu'ils vont faire un carton là-bas. Hein. Déjà qu'il y avait déjà des gros noms en liste. Oui, c'est ça. Amateur de métal symphonique, de rock épique, c'est un album, même à une discographie à aller chercher si vous les connaissez pas. On va vous en faire écouter quelques extraits qui, d'ailleurs, ont été très durs à choisir parce que je les aurais toutes mis. Mais on en a choisi 5, puis on va vous les faire écouter. Le chanteur contre-américain Kenny Chesney sort son 16e album cette semaine qui s'intitule Life on a Rock. 2 ans s'est écoulé depuis le dernier album Welcome to the Fishbowl. L'écriture de cet album a été basée en majorité sur les moments mémorables de sa vie, les amis qui ont passé depuis qu'il a grandi et certains des histoires qui a pu se propager à travers de ça, les personnes qu'il peut avoir rencontrées. Ce qui donne comme résultat un album avec en majorité des ballades, mais avec des mélodies très estivales et beaucoup de guitares sèches, ainsi qu'un petit brin de reggae qui donne beaucoup de couleur à l'album. Probablement un album d'été. Là. Ah ça, oui. Ça va être écouté sur la plage. Écouté sur le balcon. En Jeep, les fenêtres baissées. Ouais, là. un disque intime qui regroupe les chansons les plus mémorables de la grande carrière de Kenny Chesney. En voici quelques extraits pour vous donner l'eau à la bouche. A couple of bucks a piece and you can do all right if you ain't afraid to be high in a coconut tree, laying low, just my baby and me. Sunny skies far as I can see, high in a coconut tree. You will always bring us together, this much I know. Oh, your smile was as big as this island. You could drown in your eyes of blue. You were a friend of a friend and someone I'm glad I knew. I'll always see you dance. Some say we're the land of misfit toys, an insane mix of girls and boys. Nothing really changes, like a stretch of sand time forgot. That's just living that I missed. I wake up in the morning just to make it a fist. I don't call it living, I just exist. There must be something I missed. Yeah, there must be something I need. Something in a cage that wants to be freed. I should be happy, but yes indeed, there must be something I need. Dans la même lignée que Avantasia, il y a Amorphis qui sortait leur album Circle. C'est un autre groupe que je ne connaissais pas. Eux, je dirais que c'est un peu plus death metal. C'est un peu plus lourd, un peu plus, un peu plus pesant. Tandis que Avantasia, c'était un peu plus léger, c'est ça, oui. Ils font dans le hard rock mélodique, dans le metal progressif. Il y a un peu de gueulage dans certaines chansons, puis c'est pas énorme. J'ai vraiment été surpris de ce groupe-là. J'ai pas détesté non plus. Donc, si vous êtes amateur aussi de métal mélodique ou de quelque chose, ça va apporter justement un peu plus de lourdeur, un peu plus de. D'accord. Ouais, c'est ça. Je vous conseille l'album. Ça vaut vraiment la peine. On va vous en faire écouter quelques extraits. Vous verrez par vous-même. Le groupe ska punk américain Streetlight Manifesto sort The Ends That Eve, leur cinquième album en carrière. Un premier extrait est déjà disponible en écoute, qui est The Three of Us. Après l'écoute de l'album, j'ai grandement apprécié le groupe que je connaissais pas beaucoup, à part le nom puis le style de musique, ouais. Mettons. les mélodies sont quand même très festives, avec beaucoup d'orchestration de cuivre. Les chansons de l'album sont en majorité avec beaucoup de rythme. Donc, pour les amateurs de Catch 22, Real Big Fish et Less Than Jake, ils devraient apprécier grandement l'album. En voici quelques extraits pour vous dire de quoi que ça a l'air. Commands with any enemy's friends. I will never pretend. Côté des autres sorties musicales, dans le franco, on avait Angèle Arsenault qui sortait « De souvenirs et d'amitié ». On avait aussi Claude Michel qui sortait son album « Mes plus grandes chansons ». Puis aussi, on avait Mountain Daisy, malgré le nom qui est francophone aussi, qui nous arrive avec « Open Country ». C'est un album varié avec plusieurs artistes francophones. Okay. Qui reprennent des chansons un peu style country, là, qui devraient être très intéressants à écouter. Ouais, pour les amateurs de country, ça peut être intéressant. Du côté pop rock, on avait Lights qui sortait Siberia Acoustic, qui va être disponible aussi en version vinyle. Du côté metal, on avait Heaven Shall Burn qui nous sortait Veto. Puis Him qui nous arrive avec Tears on Tape. Du côté hip-hop, on a Fou Allié qui sort Introspection. Et du côté rap, on a LL Cool J qui sort Authentique, qui est disponible aussi en édition de luxe. Pour ce qui est des sorties jeux, cette semaine, on n'a seulement qu'un titre, soit le jeu Fuse, qui sortait sur les plateformes Xbox 360 et PlayStation 3. Du côté DVD Blu-ray, on avait le film The Guilt Trip qui met en vedette Seth Rogen et Barbara Streisand. Andrew Brewster, qui est joué par Seth Rogen, est un chimiste biologiste qui a inventé un produit nettoyant 100% naturel et inoffensif. De quoi révolutionner l'industrie. Le seul problème, c'est qu'Andy est incapable de vendre son produit. Il est pas, c'est pas un présentateur, c'est pas un vendeur. Il y a vraiment beaucoup de misère à faire une présentation. Donc, à convaincre donc, les gens. C'est ça. Donc, il réussit pas à aller chercher d'investisseurs pour son produit. Le film, en fait, raconte le road trip que lui va avoir avec sa mère à la recherche d'investisseurs. Un soir, juste avant de partir, justement, pour faire la tournée des États-Unis pour essayer d'aller chercher des investisseurs, sa mère lui apprend que pendant qu'il était même pas au monde, quand elle sortait avec son père, elle avait une aventure avec un autre homme en même temps. Puis quand son père lui a demandé en mariage, ben là, il est allé voir l'autre, puis il a dit « J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, il m'a demandé en mariage. » Puis cette personne-là lui a dit d'aller se marier avec le père d'Andy. Et c'est assez. C'est ça. Donc, Andy a décidé d'essayer de retrouver cet homme-là, qui est comme le deuxième amour, ou le premier, en tout cas. C'est un peu... Un et demi. Moi, c'est ça. Mettons, à niveau égal que son père. Pour essayer de rendre sa mère heureuse, parce que là, ça fait des années qu'elle est veuve, puis qu'elle est seule, puis elle veut pas rien savoir de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, il décide de l'inviter à faire le road trip avec elle, avec un but caché. En espérant C'est ça. Parce que ben, il sait, en fait, que la personne avec laquelle elle est tombée amoureuse habite à San Francisco, travaille à San Francisco. C'est le point final du road trip. Le film en tant que tel, c'est un film très léger. C'est un film idéal pour la fête des mères parce que c'est une mère et son fils. Un brin cucu? Ouais, c'est ça. T'sais, c'est vraiment léger. L'histoire, en général, est quand même assez bien développée. Puis bien... Tout le long du film, tu sais, ça va bien. Il y a une suite dans les idées. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de longueur. Il y a pas, tu sais, je l'écoutais avec ma conjointe. On a eu du plaisir à l'écouter jusqu'à la fin. En fait, la fin, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Ça finit que la mère et son fils partent chacun dans leur avion de leur bord, puis il n'y a comme pas de suite dans les personnages qu'ils ont rencontrés durant leur road trip. Puis, qui ont fait des connaissances, qui auraient pu avoir des débouchés autant qu'avec Andy, qui aurait pu avoir d'autres investisseurs, c'est sa mère qui a rencontré un Texan, que c'est le seul petit supplément qu'on a, mettons, à la fin du film, c'est que quand elle part pour s'en aller prendre son avion, elle l'appelle lui. Mais on n'a pas de conversation, on n'a pas rien, on sait juste qu'elle l'a appelé. Le film... ça finit en queue de poisson, malheureusement pour lui. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas eu un franc succès au box-office, parce que le film a coûté 40 millions à produire, puis ils ont fait 41 millions au box-office. Donc, ils ont juste 1 million de profit, ce qui est vraiment pas énorme. Au moins, ils ne sont pas dans le trou. Mais je pense que s'il aurait pris le temps de faire soit une fin, un chapitre de plus, une prologue, juste pour... Un petit 5 minutes de plus, ça aurait peut-être changé quelque chose. C'est juste pour dire, parce qu'on s'attend, on écoute le film, puis on s'attend à ce que, là, il va arriver telle affaire avec lui, puis elle, puis lui, puis non, ça n'arrive pas. Fait que c'est malheureusement, ça finit en queue de poisson, donc pour... l'achat de ce film-là, je vais être obligé de passer par-dessus. Malheureusement, cette semaine, mettez un 20-30$ sur Iron Man qui va sortir au cinéma. Non, mais bon, c'est ça. Je ne le conseille pas, malheureusement. Très bon début. Très bon début, mauvaise fin. Très bon film, juste pas de fin. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Ben, j'ai dit très bon film. C'est un film léger, c'est ça. Tu sais, c'est... Donc, quand même un bon contenu. Mais... Ça livre ce à quoi on s'attend, mais il n'y a pas de fin. Donc, c'est tout pour cette semaine. Déjà? Ça a passé vite. On vous dit à la semaine prochaine pour d'autres sorties musicales, DVD, jeux vidéo, en espérant qu'il y en ait un peu plus. Ah, on va espérer. On devrait être popé. Merci, bye. Bye. Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.